Guide pédagogique, test 7, compréhension de l'oral. Écoutez l'enregistrement une première fois, lisez les questions, écoutez l'enregistrement une deuxième fois et répondez. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre des Français pour leur poser une question. Avez-vous un objet fétiche que vous adorez? Écoutez leurs réponses. Bonjour, je m'appelle Pierre. Un objet que j'adore, c'est un chat en peluche orange. On me l'a offert à ma naissance et il ne m'a jamais quitté. Il est toujours très doux. Il me rappelle les bons et les mauvais souvenirs, mais surtout les bons. Moi, c'est Stéphanie. L'objet que je préfère, c'est une montre. J'ai appris l'heure avec cette montre à l'âge de 6 ans. J'ai changé 3 fois le bracelet, mais elle marche encore. Elle peut aller sous l'eau, c'est très pratique. Je ne voudrais pas en changer. Je m'appelle Mehdi. J'ai un vieux t-shirt. Je l'ai acheté pendant mon premier concert de rock. Il est noir, uni, tout simple, mais je l'adore. Quand je le porte, j'ai l'impression d'avoir encore 16 ans. Moi, je m'appelle Sandra. Mon objet fétiche, c'est un chapeau à fleurs de toutes les couleurs. Je l'ai acheté pour le mariage de ma sœur. Je trouve qu'il est vraiment original. Et puis finalement, je le porte assez souvent l'été, quand il y a du soleil. On me fait toujours des compliments. Et ça me rappelle de bons moments.